À l'occasion de la Journée du Soleil, fête nationale suprême, la place du Palais du Soleil de Kumsusan a abrité le 10 la cérémonie des militaires des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée pour rendre hommage aux généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il et prêter le serment de fidélité au respecté commandant suprême Kim Jong-un. Y en prépare le sous-maréchal de l'armée populaire de Corée, Fang Byung-sung, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée et d'autres commandants de l'armée populaire, les officiers et militaires, ainsi que les élèves des écoles militaires de tous les échelons et des écoles révolutionnaires. Après le décorum de la fanfare de l'armée populaire de Corée, tous les participants ont exprimé leur hommage sublime devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, ce qui a été suivi par le tir d'une salve de 21 coups de canon. Fang Byung-soo a prononcé le discours pour formuler l'hommage sublime au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il et prêter le serment de fidélité au commandant suprême Kim Jong-un. Il a souligné la conviction et la volonté invariable de tous les militaires de l'armée populaire décidés à honorer à jamais les généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il comme les leaders éternels de notre parti et de notre peuple et à anticiper le plus tôt possible le jour de la victoire finale suivant la direction du commandant suprême Kim Jong-un. Ensuite, il y a eu le défilé des militaires des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée et des élèves des écoles militaires de tous les échelons et des écoles révolutionnaires.